suffocation in some stupid little town. A black killer killing is the accused in Halloween Town. She's a vampire free. She's got her own style. She's a vampire free. And when she's sick, she wants every word. Salut à tous et toutes, la tribu. Bienvenue dans la 153e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. Salut, c'est Spike. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 153e Vampire Freaks. Merci pour tous vos messages que vous m'avez laissés par rapport à la 152e. Ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au programme cette semaine, du nouveau, du culte, de l'exclu, enfin bref, tout un tas de choses. On commencera tout de suite avec La Puissance de Rof. C'est sur l'album Au-delà de mes limites, son quatrième album, sorti le 28 novembre 2005. On retrouve le cauchemar du rap français, Dis mon nom et Arrête ta flûte, une de mes instruments rap favorites. On continuera avec une nouveauté, Cafard, le nouveau 16-4. C'est sur l'album Complètement flippé, sorti le 15 novembre 2018. On retrouve Rock'n'Roll New Essay, Héroïne et Ça, je connais ça. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On continuera avec Guérilla Urbaine de Comintern Sect. C'est sur l'album Les Seigneurs de la Guerre, sorti en 1983. On retrouve Les Vauriens, Téléreligion et Rêve de Liberté. Ils ont disparu, mais ont laissé une empreinte indélébile dans le punk et la hoï française. On continuera avec Music Maker de Congo. C'est sur l'album Image of Africa, sorti en 1979. On retrouve Only Jano, Sweetest Name et He is the King, du son culte. Et on finira ce bloc en live avec I Can Sleep Without You de Golden Earring. C'est sur l'album de Naked Truth, sorti le 10 novembre 1992. C'est un double album acoustique. On retrouve Mad Love Coming, Weekend Love et 8 Miles High, un classique quasi culte. Tienne, clin d'œil au sourire des cœurs qui saignent. Cherche plus les mots, ils viennent de même. J'interprète la douleur qui nous hante. Tristesse et joie en nous se fréquente. Dès la naissance, la mort lente, je me raconte. Dans le miroir, je nous vois, chante ton âme, me reçoit. Ici chez toi ou dans la dure voix. Tous égaux, avec ou sans égo. Peut-être pas le même kilométrage de péché, on meurt pas ex-égo. Si t'as pas la foi entre nous, y'a qui proco. Si le ghetto a des oreilles, c'est pour kiffer mes propos. J'ai pris mon public entre quatre yeux en concert. J'ai pour vous tourner mes pages, pas le genre de type concert. En ce qui me concerne, mal aimé pour ça qu'on s'aime. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Conscient que chaque jour que Dieu laisse est une chance. Je suis auteur, victime à la foi. Mon ambulance éduquée par absence de l'affection maternelle. Il s'agit de mon dit l'amour, remboursé naturel. J'ai pleuré la mère en retrouvant le paternel. Y'a que maintenant que j'ai découvert l'enfant bloqué en moi-même. Ma puissance, dès que j'arrive, sans la rage de vivre. J'respire mon époque, ma vie, mon rap s'entrechoque. Les MC font ce qu'ils peuvent. J'ai la barre au microphone. Ce que tu ressens c'est pas le son mais la vie qui sonne. J'prends tout ce que Dieu me donne. La réussite, les épreuves. Les MC font ce qu'ils peuvent. J'ai la barre au microphone. Ce que tu ressens c'est pas le son mais la vie qui sonne. Ma vie, mon rap s'entrechoque. Les amis on les choque, les ennemis on les pare-choc. J'compte sur Dieu et mon mashtop. Trop chaud pour les vieux schnocks. J'arrête, mon rap a mis la rue en cloque. J'reconnais mes titres.

Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Excited by love, the side of the ring, the side of the some solid gold. My heart keep racing like a clock, yeah. I can't see without you. I'm like a time bomb, ready to go off. It just ain't fair. Step into my corner and you're never there. Vous êtes toujours dans la 153e Vampire Fix et c'est Spy qui vous accompagne. On vient de s'écouter La Puissance de Rof, Cafard, le nouveau 16-4, Guérilla Urbaine de Comintern Sect, j'arrive jamais à le dire, Comintern Sect. On a eu ensuite Music Maker de The Congos et on a fini ce bloc en live avec I Can't Sleep Without You de Golden Earring. On continuera cette émission avec Putain, c'est une nouveauté, c'est le groupe s'appelle Ultra Moderne. C'est sur un EP 4 titres qui s'appelle Demo 3 qui vient de sortir en 2019, qui est en téléchargement gratuit sur Bandcamp. On retrouve Georges Pompidou, Putain, Des Nouvelles Usines et Jeux de Quilles. Donc on les retrouve sur Facebook, Bandcamp et sur YouTube. Donc le kill Putain est disponible sur YouTube. On écoutera ensuite une autre nouveauté, All That I Believe, le nouveau Bice Project. C'est sur l'album Abyss of the Mind, sorti le 23 février 2018. On retrouve Ink of My Eyes, Deep Inside et Open Your Eyes. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. Un petit pouce bleu au passage, ça fait toujours plaisir. On écoutera ensuite Futurama de Metal Urbain. C'est sur le best-of L'Âge d'Or, sorti en 1998. On retrouve Hystérie Connective, Pop Poubelle et Panique notamment, un punk français culte. On écoutera ensuite une autre nouveauté, L'Inconnu de Dead in 1985. C'est sur leur EP 6 titres Hyper Fréquentiel, sorti le 15 novembre 2018. On retrouve Good Day, After the Grave, L'Inconnu, Aquabon et Our Special Days et Ildiz. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec Sins Emilia de Black Uhuru. C'est aussi le titre de leur troisième album sorti en juillet 1980. On retrouve Happiness, There is Fire et Vampire, du son reggae culte. Putain. chevrait logiquement en vendant un milliard. L'aventure humaine est époustouflante. J'ai fait une chanson qui parle des Bernards. Putain. J'ai un peu de mal à le concevoir. Mon chat est mort en se suicidant. Il n'y a plus personne pour s'en émouvoir. Putain. Thank you. Vampire Frix, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Te va si bien, les gestes énergiques à faire pâlir un pantin, ton état léthargique proche de la fin. Et si tu t'écoutais, ne doutais de rien, pour toi sur cet infait, c'est tout des putains. Misogynie joviale, fait rire les copains. On ne naît pas con, on le devient. Plus. Si j'arrête, je me perds dans l'inconnu. Encore un dernier verre. Si jamais il est bu, je passerai ma colère sur l'inconnu. Encore un dernier verre. Si j'arrête, je me perds dans l'inconnu. Encore un dernier verre. Je ne supporte plus l'inconnu. L'inconnu. Que penserait ton ange et tes enfants quand tu vantes la taille de ton gland à des filles trop jeunes pour tes serments? Tu te prends au sérieux, sérieusement? Réponse automatique de déviants chroniques, des clichés dynamiques, de jugements pathétiques, les bras ballants, l'œil hagard, vérité étendard dans la bouche d'un gros connard. Plus. Si j'arrête, je me perds dans l'inconnu. Encore. Ah, c'était bien, Sly Dunbar et Robbie Shakespeare des Black Uhuru en live. Vous êtes toujours dans la 153e Vampire Fix et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter Putain Putain, le nouveau ultra moderne, All That I Believe, le nouveau Bice Project. On a eu ensuite Futurama de Metal Urbain. On a ensuite L'Inconnu, le nouveau Dead in 1985. Et on a fini ce bloc en live avec Since Emilia de Black Uhuru. On continuera cette émission avec du punk oi classique, même culte. Camera Silence de Camera Silence, c'est sur l'album Réalité sorti en 1984. On retrouve Réalité, Sans Sursis et Pour la Gloire, un classique du punk oi français. En Gilbertin, le chanteur, vient de sortir un livre par rapport à toutes ces petites bêtises qu'il a fait. Il a quand même passé 30 ans de cavale, du moins, et on le trouve dans toutes les bonnes pharmacies. On écoutera ensuite Kind of Magic de Queen, c'est aussi le titre de cet album sorti le 2 juin 1986. On retrouve One Vision, Friends Should Be Friends et Don't Lose Your End. Your Head, pardon. On écoutera ensuite The Black Gloves of Terror, le nouveau Hobson Geshop. C'est sur l'album Master of Giallo, leur 8e album sorti en décembre 2018. On retrouve Body Pieces, Murder Rock et The Death Kiss. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. Il a sorti un petit coffret 4 CD avec des raretés et des faces B. Je vais essayer de vous l'avoir pour la prochaine fois. On écoutera ensuite à une nouveauté. Celui-là, je suis content de l'avoir. Deutschland de Rammstein. Le CD n'a toujours pas de pochette et n'a toujours pas de nom et doit sortir le 9 mai prochain. Des nouvelles très vite. Et ça fait couler beaucoup d'encre, mais bon, Rammstein, c'est Rammstein. Et on finira ce bloc en live avec Rude Boys K des Gladiators. C'est sur l'album Trenchtown Mix-Up sorti en 1976. On retrouve Bellyful, Thief in the Night, Hello Carol du son culte. Silence. Hey. Camera silence.

Dein Atem kann

But most of all, let me say thanks to you, Mercy Boko, for being so kind and true to the Gladiators. Do you love the Gladiators? Gladiators! Gladiators, Gladiators. Now you take care of yourself. Stay as sweet as you are. And remember, you all are stars. Those of you who cannot understand me in English, those of you who can understand, I want to tell your friends what I'm saying. I said you all are stars. Let your voice be heard. Yes. Love is lovely, war is ugly. Let's shine together and feel alright. Do you want a little peace more? Peace more. Peace more. Hit me with music. Willing to please you. I said when you're happy, you make the Gladiators happy too. When you smile, you make me smile too. When you said yeah, you make me say yes. Vous êtes toujours dans la 153e Vapeur Fix et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter Camera Silence de Camera Silence, A Kind of Magic de Queen. On a eu ensuite The Black Gloves of Terror, le nouveau Hobson J-Shops. On a ensuite Deutschland, le nouveau Rammstein. Et on a fini ce bloc en live avec Ruud Bosca de Gladiators. On continuera cette émission, allez, toujours avec du vieux punk. Tango Maasai de Molodoy, c'est sur l'album Tango Maasai sorti en mai 1995. On retrouve Seigneur Tigre, la fille du Vietnam, et Tango Maasai. C'est le groupe que forma François, le chanteur des Bérus, à la fin des Bérus. Il existe un live terrible qui s'appelle En Avant. On va le remettre bientôt dans l'émission et bientôt ailleurs. On écoutera ensuite Broken de Kima, c'est sur l'album Sprayed in the Kay, sorti le 23 mai 2017. On retrouve Ça monte en pression, Mon son et Out of Control. On les retrouve sur Facebook, SoundCloud, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une nouveauté et même une exclusivité à Fouquoc de Lopayès. C'est sur l'album Echo, sorti le 29 mars 2019. On retrouve Le Train, du nouveau, Grisaille notamment. C'est sorti chez Kebra Records, tout comme 16-4 que diffusé tout à l'heure. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On continuera avec une autre nouveauté et même une exclusivité, Dreader Than Dread de Natanja. C'est un single, je dois recevoir du son prochainement. On le retrouve sur Facebook, YouTube et bientôt sur les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec Jonathan de Renault. C'est sur l'album Visage pâle rencontré public. On retrouve Fatigué, Miss Maggie, Dès que le vent soufflera. Enregistré au Printemps de Bourges, sauf Me jette pas et Jonathan qui ont été enregistrés au Zénith de Paris. marche dans l'histoire. Tu revois l'être humain qui veut stopper les chars. Tu retraces en Paris les sentiers de la mémoire. Car tu aimes suivre les vies qui sont comme des miroirs. Les reflets de la vie sont un étrange tiroir. Tu remontes dans la nuit du temps et du savoir. Tu es comme un pantin glissant sur patinoire. Tu racontes des histoires sur le fil du rasoir. Rue de Saigon, bienvenue d'Alger. Place de la nation, rue des suicidés. Puis rue de la paix, le long des quais. Je suis les bouquinistes qui t'invitent au voyage. Où les rêves nostalgiques se terminent en épave. Massacre des tribus d'Afrique qui s'entre-déchirent dans des combats épiques. La vie est un tango qu'on ne peut arrêter. Même la sueur des mots ne peut pas en parler. Tu revois les guerriers à la peau noire brûlée, combattant à main nue dans un tango qui tue. Plus tu marches, plus ta tête se remplit de souvenirs. À la fin, il ne reste qu'un nuage de délire. À la fin, il ne reste qu'un cœur qui respire. Le long des quais. Je suis les bouquinistes qui t'invitent au voyage. coq, je suis devenu fou à cause de ces arbres trop piquants et de ces coqs en cage qui me dévisageaient. À Foucault, je t'ai cherché partout, j'ai balayé la piste rouge, puis la poussière des pièces vides dans un taxi climatisé. À Foucault, je suis mouillé jusqu'au cou avec des gens très haut placés, j'ai goûté tous ces fruits étranges sur une île en temps ondulé. Hear your soul, I can't hear your soul. Non loin d'ici. J'ai vu le Mont Ventoux et des vaches qui jouent au ping-pong et des parterres de poivre orange parfumés, abandonnés. À Foucault, les poissons sèchent debout, d'autres bougent au bout du fil. Je n'ai rien demandé en échange, j'avais bu trop d'eau salée. Hear your soul, I can't hear your soul. Non loin d'ici. Baigné dans le Gange, près d'un palmier déraciné. Tout est ensuite devenu flou, j'ai voulu devenir bouddhiste. On m'a fait revêtir un change au pied d'un drapeau étoilé. I can't hear your soul. Hear your soul. Non loin d'ici. Vampire Frix, à l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Stress out, people are afraid. Life is greater than Jada. Solidarity, this is the only way. Cost of life is expensive to pay. United we stand, divided we fall. My people should be together as one. Time you them go to school, them forget a good education. Them are the future of the nation. Tell the bad man, put down your weapon. Wanna be a warrior, should be a guardian. If we wanna get out of this situation, unity is a key, this is the solution. We should have sing this year same song. One illusion, one corruption. This is a warning, Mr. Politician. People wanna live in a better condition. One food we eat, not get enough. Your belly full, never get enough. Time to build a better nation. All together, together as one now. Life is greater than Jada. In the billion time you feel the pressure every day. Cost of life is expensive to pay. People stress out, people are afraid. Life is greater than Jada. Solidarity, this is the only way. Cost of life is expensive to pay. Mama Earth is crying. Too much pollution, eh. Mama Earth is dying. go to Zion, get a meditation. A good meditation. Open your eyes, especially the third one. Be able to see my manager, his protection. Zion, in a vision. Listen to the words from the Rata man. Long time we they are on a mission. Born Babylon, are you over, son? Babylon town, ha. Babylon town, you know? Babylon town, love he pass, peace he pass, messengers, farmer man, hey! Babylon town, life is greater than Jesus. In Babylon town, you feel the pressure every day, cost of life is expensive to pay, people stress out, people have a freedom. Life is greater than Jesus. Solidarity, this is the only way, cost of life is expensive to pay, Life is greater than Jesus. In Babylon town, you feel the pressure every day, cost of life is expensive to pay, people stress out, people have a freedom. Life is greater than Jesus. Solidarity, this is the only way, cost of life is expensive to pay, Babylon town, Babylon town, Babylon town, Babylon town, Babylon town, Babylon town. Hey, life is a dream. Jonathan, music. Oh, Jonathan, how's it? Oui, Jordan, what's it like, Yana? Scheiße, so. Ungesana, Winsulana. Oh, when I'm a boy, no. Go to Jonathan. Africa, Genzalo, Nansendava, Soiti, Gilabel, Elifaz, Ivo, Elimile, Ausendazo, Irebel, Elifaz, Elimile, Kula, Zasha. Jonathan a bien choisi. Ses chansons sont des pavés, des brûlots qui donnent des airs au marron. Sa musique a fait rouiller des barbelés et scier bien des barreaux à Soweto. Dans le ghetto, Jonathan pourtant ne porte qu'un drapeau. Entre le noir et le blanc, Jonathan n'a pas choisi, car depuis la nuit des temps, il sait aussi que tous les salauds sont gris, que l'homme est un loup pour l'homme un peu partout. Jonathan sait pourtant qu'à Soweto, dans le ghetto, les loups blancs sont plus sauvages et plus méchants. Jonathan est un peu fauche et un peu fou, un peu british, un peu zoulou. T'es choisi, tu m'as raconté Neil Raguette et Steve Pico, assassinés par les fachos. Moi je t'ai parlé des lois machoraux, des enfoirés qu'ont eu sa peau, et puis Loïc, et puis Noflic. Jonathan, prête-moi ta guitare que je t'explique. Jonathan, je suis comme toi, un peu fou, un peu canaque, un peu zoulou, un peu beurre, un peu basque, un peu tout. chansons sont réparées des boulots qui donnent des ailes aux marmots. Sa musique a fait rouiller les barbelés et scié bien des barreaux à Soweto. Vous êtes toujours dans la Vampire Freak, c'est la 153e et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter Tango Masai de Molodoy, Broken de Kima, A Fukwok, le nouveau Lopayes. On a eu ensuite Dreader Than Dread, le nouveau Natanja et en exclusivité. Et on a fini ce bloc en live avec Jonathan de Renault. On continuera cette émission en live avec Black Widow de Night Demon. C'est sur l'album Live Darkness sorti le 30 août 2018. On retrouve Ritual, Mastermind et The Howling Man, du bon gros gros son. On écoutera ensuite Antidouleur, le nouveau Vaudou Joséphine. C'est sur l'album Initiation, un EP 6 titres sorti le 6 mai 2018. On retrouve Tout Seul, La Bohème et Satan, La Lune est Pleine, Antidouleur, On est comme on est et Hello, on les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une nouveauté, Across the Stars, le nouveau Over Nemesis, c'est sur l'album Wink, sorti le 31 août 2018. On retrouve Cymbal, Bolt of Blindness et Disman, on les retrouve sur Facebook, Bandcamp et bientôt sur toutes les, YouTube et toutes les plateformes numériques. Merci à Music Record. On continuera avec All the Young Dudes de Mod Diopel, c'est sur l'album All the Young Dudes, sorti le 8 septembre 1972. On retrouve Sweet Jen, Junker et Soft Ground. Et on finira ce bloc en live avec Aux Armes, etc. de Gainsbourg. C'est sur le live au Théâtre Le Palace en 1980, qui a été enregistré en 1979. On retrouve Relax Baby Be Cool, Palon Feu et Lola Rastaquer, et cette magnifique version de un peu dub sur les fins et en public. We'll be right back. ont un numéro de super-héros excitant. Dans les valises, une cartouche de coude exquise. J'ai dans les poches un coucou à cran d'arrêt dans la tête. Hendrix et sa guitare cramée. J'ai dans les mains tout ce que j'ai pas le droit de toucher. Dans mes chaussures, la plage où je t'ai baisé. Dans la bouche, le goût que tu avais. Dans la bouche, le goût que tu avais. J'ai dans le cœur de douce liqueur. J'ai dans mon verre l'arôme du passé. Dans mes yeux, des images un peu psychées. Dans ma maison, une poupée un peu gonflée. Sous mon lit, un croque-mitaine affamé. Dans mon holster, mon flingue est chargé. Dans mon flingue, des balles argentées, un cercueil. Et dedans, je suis assoiffé. Un cercueil. Et dedans, je suis assoiffé. Hey. J'ai dans le cœur de douces liqueurs. Un conteneur rempli d'antidouleurs. First face. god of my choice, and now I see you the blessings of the idea. L'étendard sanglant de... Oh, mugirent ces féroces soldats viennent jusque dans nos bras, dégorger nos fils au combat. Combat avec les défenseurs. On vient de s'écouter Black Widow en live de Night Demon, Antidouleur, le nouveau Vaudou Joséphine. Je vais avoir un autre morceau là à diffuser d'ici 15 jours. On a eu ensuite Across the Stars, le nouveau Over Nemesis. On a eu ensuite All the Young Dudes de Mod Diopel. Et on a fini ce bloc avec Aux Armes, etc. en live de Gainsbourg. 753e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Si vous êtes un groupe que vous souhaitez diffuser, contactez-moi, toujours sur Facebook. On finira avec l'inspecteur La Bavure de Vladimir Cosma. C'est sur l'album Les Incontournables, volume 3, où on retrouve l'étudiante, Dupont La Joie et un éléphant, ça trompe énormément. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Et aussi sur archive.org. Et n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu!